entend sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Chacun a son désert. À son royaume à retrouver, et son ennemi à pardonner, et son ennemi à pardonner. Oh oh oh oh oh oh. Chacun à son désert à traverser, chacun à son secret à révéler, et son espoir à partager, et son espoir à partager. Oh oh, oh, oh.